Tu parles français ou quoi? C'est ça l'MC. Ça va? Ouais. Appelle-moi africain, ouais. No me llames morenito, Bob Paul y un papel. Poco menos necesito rap un rito noir. Como etiqueta de Jack Daniel, hago música acorde con el color de mi piel. International Star, Monstoles, Marrakech. Y ya sabes dónde puedes encontrar a estos artistas ricos. Las calles siguen su curso, sus movies, sus metas, sus polis, su abuso, aviso. Engancha como el tabaco. Pequeños delincuentes sueñan ahora con ser capos. Y aquí pasando el rato, relatando mi ambiente. Como en París, haré que el barrio esté caliente. Mi gente, su alcohol, costo y coche de chivatos, exactos y cantos, sé que notas el trato, contacto directo, esto habla por sí solo. Necesario sí, mi territorio controlo. Mon quartier populaire, je voyage sans easy jet en 10 secondes. J'ai croisé Alain Iver Ahmed, la rue d'Amsterdam et la tige de Moscou. Couscous fait cause devant un kebab d'Istanbul. Latino c'est couscous, méchant mes clubs à l'Afghan. La grande gueule du jet d'eau et un peu de sang des Balkans. International, les histoires pètent les plombs. On s'en sort sans télédon, unis comme Benetton. Si on est multicolore, ouais, et fier de l'être. La fond du Suisse se mélange au trafic de l'Est. Rejeté dans les CV, mec, les patrons de baisse. Gamin d'ici en fond de là-bas, je connais pas trop le bled. Perdu dans mes racines, mec, lui se confond. Et les drapeaux s'agitent pendant la coupe du monde. Du rond au passage et du mal à Madrid. On fait pas de héritage, on chie des carines. Je suis en exil, mes rêves marquent la street. Du Queens à Madrid, j'tag au couteau suisse. J'appelle dans la marmite, j'écris sur orbite. Prêt pour le style, la tempête sous nos parapluies. Le quotidien de ma galaxie, la neige dans les narines. J'torse une drôle de vase, la voix sur mes armoiries. Tarde à larguer les amarres, j'suis des blèmes à la douane. J'suis doué stockade, paternité ou prison. La routine depuis l'escalade, y'a du chiffre dans mes scraps. Mes cafards dans l'estomac, les rêves sur un transat. Des abcès qui te laissent de glace. Savon de Marseille sur les scalpels, du piment dans vos gradins. La poisse dans vos gradins. Je veux partir, aller tout part, alors je connais quoi le car, ma ville asie qu'on reste de plage, regardons par la ville. Ça me parle voyage, Italie, Cameroun et Croatie, ma gueule. Nous on veut tracer ça, on a les pros ici, c'est international. Bougeons de là pour ternir les honneurs, mais on a rien en poche, encore le moins langage, j'ai mis cela. Et misons là pour faire un tour, un de ces man, on va ça traîne chier avant de pas plus dégrader, et Nadia. Un peu de son du bled à l'oreille, ouais, comme j'adorais, ça veut quitter ses aléas, comment le faire sans des couilles dorées. Ça découle la rue, t'as vu, y'a toutes les origines, ça sent le poulet dans les chômeurs, on met le fond, il paraît qu'on gèle. On se dégèle, qui ferait bien être tropique, faire trompette, avec la famille, les illusions ont bien trompé. Y'a un air de décalé coupé dans les préaux, des canons couplés, même les filles se sentent prêtes chez nous.